parler, c'est l'arnaque des impôts. Et pour répondre à monsieur, l'Africain n'a pas besoin que l'Occident envoie des professeurs, ils ont juste besoin qu'on les laisse s'éduquer eux-mêmes et construire eux-mêmes. Et tu verras qu'ils construiront autre chose, peut-être mieux ou moins bien, mais autre chose, complètement autre chose. Parce que ce que l'on a construit jusqu'ici, il faudrait qu'on arrête. Donc là, on va parler des impôts. Pour commencer, je vais vous passer une petite chanson. J'espère qu'il n'y a pas d'agent de la CIA ici. Parce que j'ai pas envie de me faire zigouiller. Mais on va passer une petite chanson pour commencer le débat. Allons-y. Le son, s'il vous plaît. Ou alors je le mets sur ma sono. Première chanson, je vais augmenter le son. Salut mec, c'est toi, tu es là? Non, tu nous connais. On est là pour te montrer par nos essences et sans même quand tu joues ton rigou, on est là partout. Le loto, c'est nous. Le bingo, c'est nous. Le tiercé, le quartier, le gâteau, c'est encore nous. Le café bus, on te reçu pour du cash. Tu payes pour du cash, tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rament tout. T'as pensé à payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur le personnel, taxe d'apprentissage, taxe si t'es pas sage, taxe. Sur tes clopes et sur ton rouge, sur tes cachets d'aspirine, sur ta vodka et sur ton jean. Majoration relevée, vignette et timbres fiscaux, carte crédit, assurance auto, droit d'immatriculation, bébé, crash, crash, essence, péage, héritage, partage, mariage, concubinage, on est là à tous les étages. Oui, impôts fiscaux, impôts locaux, impôts directs et impôts indirects, impôts fonciers, impôts rentiers, impôts sur les grandes fortunes, impôts même si la facture, impôts sécheresse, impôts richesse, impôts nouveaux, impôts rétro, impôts recto, impôts verso, impôts sur le revenu, impôts sur les revenants. Donc vous avez compris l'intitulé de la chanson ? Vous avez compris l'intitulé de la chanson ? C'est-à-dire qu'ils vont nous faire payer des impôts même quand on sera mort. Donc, est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ce qui vient à la chanson et par rapport à ce qu'il pense sur les impôts ? Bon, viens dire ce que tu penses des impôts. Pourquoi dit-on que les impôts c'est de l'arnaque ? J'ai de la chance, hein. J'ai de la chance, je paye pas encore d'impôts, mais j'aimerais ne jamais en payer. Ouais, comme ça, mon argent, je pourrais faire ce que je veux avec au lieu de le donner à l'État. Tu sais qu'on prend des tours de parole, mon cher. Ouais, alors moi, sur l'impôt, l'idée en soi est intéressante parce qu'effectivement, il y a une espèce de collectivité, il faut que ça marche, il faut construire des routes, il faut construire des hôpitaux. Donc l'idée en soi n'est pas mauvaise. Le problème, c'est que c'est nous qui payons les impôts et que ceux qui créent la richesse, les entreprises, les milliardaires, soit ne payent pas d'impôts, soit ont des niches fiscales, soit sont dans les paradis fiscaux. Donc en fait, c'est surtout ça le problème, c'est à qui est-ce qu'on prélève des impôts et qu'est-ce qu'on en fait. Oui, déjà, il ne faut pas commencer à confondre impôts et taxes. tout le monde paye, que ça soit, si vous n'avez pas de revenus, vous ne payez pas d'impôts, mais si vous payez la TVA. Voilà. Qui est la taxe la plus injuste au monde, je crois, la TVA. Un jour, quelqu'un a dit. Je crois pas. En fait, moi, je crois que c'est mieux de payer la TVA que de payer des impôts, mais ça, on va en parler tout de suite. Est-ce que quelqu'un peut encore dire ce qu'il en pense des impôts ? D'abord, merci Manon Jo d'avoir mis une chanson pour introduire le sujet, parce que souvent, l'art est beaucoup plus révélateur que les discours. Et moi, le seul truc sur l'impôt, ça me fait penser à un arrière-fond religieux. Par rapport, quand on sait qu'aujourd'hui, il me semble que l'impôt sur le revenu permet de payer l'intérêt de la dette. Alors c'est intéressant parce que ça nous fait penser, tu sais, au péché originel, au fait qu'on doit payer une dîme. Donc voilà, moi pour moi, l'impôt, c'est presque un truc religieux, quoi, une sorte d'illusion. Voilà, on paye l'impôt sur le revenu permet de payer les intérêts de la dette. C'est-à-dire qu'il ne permet même pas de rembourser la dette. Hein. C'est les intérêts de la dette. Donc ça veut dire, voilà, on est vraiment dans du religieux. On peut dire qu'il y a une inégalité au niveau du calcul des montants des impôts. Donc, qui c'est qui paye le plus d'impôts ? C'est en quelque sorte bon, ceux qui gagnent autour du SMIC jusqu'à à peu près dans les 2000 euros par mois. C'est eux qui payent le plus d'impôts, c'est-à-dire les catégories qui vont d'ouvrier jusqu'à cadre moyen. D'accord ? Donc, c'est eux qui payent le plus d'impôts. En fait, qu'est-ce que veut faire le gouvernement là-dedans ? C'est éliminer la classe moyenne. C'est-à-dire soit qu'il y ait des gens, c'est-à-dire ce système est fait pour qu'à terme, il y ait soit des grosses fortunes, soit des gens qui n'ont rien. C'est-à-dire donc entre, il ne faut... Je vais relever deux questions que tu as posées. Je vais relever monsieur le jeune qui a dit, si je ne payais pas d'impôts, je pourrais faire ce que je veux avec mon argent. Ting ! J'espère qu'il y a des gens qui ont percuté. Et le monsieur qui a dit, rappelle-moi ce que tu viens de dire, la dette, que l'impôt servait à rembourser la dette. Chers amis, on va parler des impôts. Ce qu'on va vous parler là, c'est très très très très grave. On va vous parler d'une très très grande mafia. J'espère qu'il n'y a pas de CIA ici. Si je vous dis que le chômage est dû aux impôts, est-ce que quelqu'un me croit ? Est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'on crée du... Payer des impôts, c'est créer du chômage. Monsieur qui vient de dire absolument pas, est-ce qu'il peut venir s'il vous plaît ? Mais rapidement. Ouais. Bon. Dire que le chômage est dû aux impôts, non. Moi, je pense qu'il ne faut pas payer d'impôts. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, non, mais moi, je pense qu'il ne faut pas payer d'impôts. Dire que le chômage est dû aux impôts, c'est justifier les impôts. Non, j'ai pas fini. Les charges sociales, les charges sur les entreprises, hein, ce sont les charges qui justifient le chômage. Donc, supprimons les charges, supprimons les impôts. Mais t'es d'accord, tu dis la même chose que moi, je comprends rien, je comprends pas en fait. Alors en fait, oui, voilà, parce qu'on parle des impôts. Je viens d'arriver et je me dis qu'en fait, au niveau des impôts, peut-être que beaucoup de gens n'ont pas tout compris, on va dire, hein, au niveau des impôts. Hein. Est-ce que vous savez combien des impôts vous payez chaque année ? Où est-ce que ça part, les impôts que vous payez chaque année ? Il y a une personne qui a parlé de la dette, c'est le monsieur qui est juste en face. Eh ben non, cher monsieur, tu te plantes complètement. Ça parle pas au niveau de la dette, les impôts que tu payes. Ça parle dans des choses aujourd'hui qui, gars, à peu près, allez, en étant gentil, hein, je vais presque faire la poire en deux. 50% des impôts qui sont payés par tous les contribuables français, et je parle même d'outre-mer, même tous ceux qui partent même de... Bref, tous ceux qui font partie de la France, 50% au moins, voire dire 45%, devraient être reversés à tous les logements sociaux, à toutes les personnes au niveau du social. Toute cette somme qui représente plus de 15 milliards d'euros par an. 15 milliards d'euros par an qui doivent être refinancés au niveau du social. Personne n'en voit rien. Où ça va? Ça va dans les caisses du capitalisme. Ça va dans les caisses des partis. Ça va dans les caisses de la sécurité sociale quand on vous dit que la sécurité sociale est dans la merde, alors qu'elle n'y est pas vraiment. Parce que sinon, si la caisse de sécurité sociale est dans la merde, comment elle fait pour vous rembourser vos soins médicaux, alors qu'elle est dans la merde? Comment font votre mutuelle pour vous rembourser? Ça, il faut se poser la question. Où vont vos impôts? Quand vous voyez la rue qui est juste en face, qu'on est en train de refaire, combien ça coûte aux contribuables de refaire une route qui a été faite il y a même l'année dernière et qu'on refait encore une fois, qu'on détruit en face de chez vous encore un trottoir? Vous vous dites, putain, c'est encore la 15e fois qu'ils en font le trottoir. Hein? Pourquoi mettre des pavés à la con? Ça, ça fait partie de vos impôts. Et j'en oublie pas le social. Quand ces gens vous disent qu'il faut augmenter les impôts, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi qu'ils augmentent les impôts? C'est pour s'augmenter eux-mêmes. C'est pour augmenter justement le chiffre qu'ils ont perdu pendant toute l'année avec leur réforme à la con qui leur a coûté au moins je sais pas combien. Avec leur loi à la con qui leur a coûté je sais pas combien. Parce que ça coûte aussi. Les CRS qui sont envoyés chaque instant en manifestation. Vous savez combien un déplacement de compagnie de CRS ça coûte? Combien ça vous coûte à vous? Jeudi dernier, le nombre de CRS qu'il y avait dans la rue, ça a coûté combien à l'État? Ça, ils n'en parlent pas. Et ça, ça fait partie de vos impôts. L'électricité qui est bafouée, l'électricité, l'eau, tout ce qu'ils utilisent dans les fontaines. Et après, vous, quand vous ne pouvez pas payer, on vous coupe l'eau, on vous coupe l'électricité. Par contre, ils utilisent l'eau des fontaines. Ça, par contre, c'est pas un problème. Ça coûte rien à l'État. Mais par contre, ça vous coûte à vous. Ça aussi, les impôts, c'est ça, aujourd'hui. C'est pas une question de se dire combien j'en paye, ou combien je vais moins en payer, ou combien plus je vais en payer. C'est de savoir, je paye pour quoi, aujourd'hui? Mes impôts, ils vont où? Aujourd'hui, comme des pays du Nord, qui ont ouvert un cahier ouvert, en disant... Et je termine. Un cahier ouvert en disant à tous qui invitent, comme la Norvège, la Suède, qui ont fait un cahier ouvert, tous les citoyens peuvent aller voir les dépenses qui sont faites au niveau de ce qu'ils payent eux comme impôts. Pour, imaginez-vous si on faisait ça en France, d'affaire avoir un cahier ouvert disponible à tous les citoyens français. Imaginez-vous ce qu'on verrait. Ça serait un petit peu abominable non plus, hein? Donc aujourd'hui, il faut penser à ça. Pensez réellement là où vont vos impôts. Ne pensez pas de savoir est-ce que je les paye ou je les paye pas. Vous serez obligé de les payer. Ils vont vous forcer à les payer. Aujourd'hui, c'est de savoir si je les paye, mais à quoi et pourquoi. Ok, ben moi c'est tout le contraire, je vous invite à ne plus payer d'impôts. Pourquoi? Pourquoi je vous invite à ne plus payer d'impôts? Parce que nous allons voir que l'impôt, c'est une arnaque à 400%. Lorsque vous parlez de la dette de la France, la dette de ta France est estimée à 2000 milliards d'euros. Bon, la dette, c'est qu'elle soit raisonnable ou pas raisonnable, eux, ils ont mis un chiffre. Donc 2000 milliards d'euros. Lorsque vous regardez le chiffre de ce que récolte chaque année l'État avec les impôts, ils ont à peine de quoi payer ce truc-là. Ils remboursent des intérêts de la dette. C'est-à-dire que la somme des impôts que vous payez est mis dans les intérêts de la dette. Ok. Et donc, quand vous regardez les intérêts de la dette et la somme de vos impôts, c'est kiff-kiff, ça rentre dedans. Ensuite, on vous dit, l'impôt sur le revenu est important. Tout à l'heure, j'ai entendu dire, la TVA, c'est malhonnête. Ok. La TVA, c'est les trois quarts des impôts. Les impôts sur le revenu, c'est le quart des impôts. C'est-à-dire que la TVA rapporte beaucoup plus que l'impôt sur le revenu. Donc à quoi ça sert d'un payer l'impôt sur le revenu? Si tu m'avais donné l'argent, j'aurais consommé plus, tu aurais gagné plus de TVA. Est-ce que vous comprenez? Si la TVA rapporte trois fois plus que l'impôt, pourquoi tu m'empêches de consommer? Laisse-moi mon argent, je vais consommer, je vais payer la TVA. Et tu auras encore plus d'impôts. Donc, on en revient à ce système de impôts, les impôts, que ce soit la CSG ou ce machin, c'est, on te prend direct. C'est-à-dire que toi, tu travailles, tu as fini ton mois, tu demandes l'argent, la moitié est partie. Et donc, toi, tu te retrouves avec la moitié de ton argent. Il y a un monsieur qui a dit du SMIC jusqu'à 2000 euros. On va dire du SMIC jusqu'à 3000, 4000. Parce que il faut avouer que ceux qui gagnent entre 3000, 4000, 2000, 3000, ils sont aussi dans la merde parce qu'ils ont des maisons qu'ils achètent ou je sais pas quoi. Ils ont des femmes qui sont super belles, qui veulent des maquillages et tout. Ils dépensent beaucoup d'argent. Et c'est compliqué de gérer une femme ou un homme qui consomme beaucoup. En fait, ce que je vais essayer de vous faire comprendre rapidement, et quand on dit ça enfin le mot là, c'est pour vous dire que j'ai arrêté l'école en cinquième. Et je vais utiliser des mots difficiles que je connais pas pour vous faire comprendre que j'ai pas fait d'études. Si on te donne ton salaire dans la poche, c'est-à-dire si toi tu gagnes 1500 euros, ça veut dire qu'on t'a pris 1500 euros. Donc tu aurais dû avoir 3000 euros. Si tu as l'argent dans ta poche, tu vas aller dans une boulangerie en bas de chez toi, dans une bonne boulangerie, parce que tu as les moyens, acheter du bon pain avec du bon blé. Vous comprenez? Tu vas aller dans une bonne charcuterie, acheter de la bonne charcuterie faite avec biotechnologie. Tu vas aller chez un cordonnier, acheter des chaussures sur mesure, parce que tu as les moyens. Et tu auras pas mal au genou. Parce que les chaussures sur mesure, ça te permet de ne pas marcher bizarrement. Donc, lorsqu'on te prend la moitié de ton salaire, pour dire qu'on va, comme dit monsieur, payer la sécurité sociale, tout ça, ce qui n'est pas vrai, je vous dirai d'ailleurs tout à l'heure pourquoi. Et, il n'y a pas de souci. Rico, c'est pas une guerre, c'est éducation, machin, le micro est ouvert pour tout le monde. Voilà. Merci. Donc, ce qui se passe, c'est que quand. Quand tu as moitié de ton argent, quand tu as tout l'argent, tu vas consommer dans des bonnes boulangeries, dans des bons croissants. Lorsque tu vas chez le boulanger, tu donnes de l'argent au boulanger, un bon argent, parce qu'il a donné du bon pain. Le boulanger, il va chez le charcutier, parce qu'il a gagné de l'argent, donc il a une charcuterie à côté. Le charcutier, il va chez le... C'est ça une société. J'ai du papier, un truc de merde, qui me permet d'échanger et de faire tourner, de vivre ensemble. Et de créer des emplois. Vous voyez, d'accord? Maintenant, les super connards qui rappent tout, ils m'ont pris la moitié de mon salaire. Moi, j'ai plus les moyens d'aller chez le super cordonnier qui me faisait des bonnes chaussures avec lesquelles j'étais en bonne santé. Donc, je vais aller à Carrefour ou à Auchan pour pas faire de pub. Ou à Leclerc. Je vais rentrer à Carrefour ou à Leclerc avec des super soldes et des chaussures qui me coûtent moins cher ou le même prix. Je les achète. J'ai pas fait travailler un français. Ou un. On va pas employer le mot français, mais quelqu'un qui m'entoure. J'ai fait travailler des enfants, ou je sais pas où, je sais pas dans quel pays, qui ont bossé à 10 centimes pour machin le mois. Donc déjà, j'ai enlevé un emploi chez moi. 1, 2, 3 ou 4. L'argent que j'ai mis à Auchan, à Carrefour, il repart pas dans les mains du. Dans les bras du fleuriste à côté ou dans les bras. Parce que le fleuriste, il est aussi à Carrefour. L'argent que j'étais dépensé à Carrefour, j'ai rempli son ventre. Lui, il sait pas en quoi faire. Lui, il a trop d'argent, il ne sait pas quoi en faire. Donc, il va le déposer dans des banques, Liechtenstein ou je sais pas où. Et en plus, lui, Carrefour, comme il crée soi-disant des emplois, on lui enlève des impôts à lui. Donc, lui, il paye moins d'impôts. Parce qu'il a créé de l'emploi, ce qui paraît. Donc, toi, dans ton village. Tu peux pas faire travailler les gens. Tout le monde est au chômage comme des cons parce qu'on t'a pris des impôts. Mais, à ce qui paraît, Carrefour, il a employé des gens et donc il ne paye pas d'impôts parce qu'il est gentil avec la société. Donc l'argent qui devait servir à faire tourner le système, comme disait monsieur tout à l'heure, j'ai l'argent dans ma poche, j'en fais ce que je veux, donc je dépense, je consomme. Si je consomme, c'est que je produis, il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose. Moi, j'ai envie de quelque chose, quelqu'un est arrivé, je veux donner de l'argent pour qu'il me donne la chose. Ainsi de suite. Mais quand j'étais chez Carrefour, l'argent, il part dans des caisses, je sais pas où, le Liechtenstein, à une seule personne, parce que j'enrichis une seule famille. Donc il y a une seule famille qui a pris l'argent de 1000 ouvriers, de 1000 de travailleurs. Et l'argent, il revient pas dans le village, dans la société. L'argent ne revient pas. Donc j'appauvris mon village et j'appauvris mes poches et je n'ai pas permis à mon voisin de créer son emploi. Parce que mon voisin, c'est un bon boulanger, mais il fait du vrai pain. Et moi, j'ai pas les moyens. Donc mon voisin, je lui dis, je peux pas, je vais chez Carrefour. Donc ce système d'impôts, c'est un système qui nous empêche de vivre ensemble. Si moi, je te prends la moitié de ton salaire, toi, tu peux pas te débrouiller toi-même avec ton pote. Tu es obligé d'aller chez mon autre pote à moi, qui est un milliardaire, qui va prendre ton argent. Ça, c'est les impôts. Maintenant, comme dit monsieur, l'argent des impôts servirait à financer le système social. Ok. L'argent des impôts servirait à financer le système social. Vous vous rappelez que moi, j'ai pas les moyens d'acheter une paire de chaussures qui me permet d'avoir des bons genoux. Je suis allé à Carrefour. J'ai pas payé cher, hein. 15 euros, super. Et la chaussure, je marche comme ça. Mes genoux, ils sont fracassés. Ok ? Mes genoux étaient fracassés. Je suis obligé d'aller à l'hôpital. Ah, l'hôpital doit fonctionner. Donc, il faut de l'investissement. Je suis allé à Carrefour, ou à Auchan, ou à Leclerc. J'ai acheté un pot de merde avec des produits bizarres. Et quand je bouffe, j'ai un cancer. Ok ? Donc, on me dit, il y a trop de cancers dans le pays. Il faut financer les cancérologues. Oui, d'accord. Mais si toi, tu avais eu ton argent complet, que tu avais été chez un bon boucher, tu avais été chez un bon charcutier, et chez un bon chausseur, tu n'aurais jamais été ni à l'hôpital, ni au cancer, ni je sais pas où. Et donc l'argent qu'on te prend des impôts pour financer un système social, c'est l'âne qui se mord la queue. Je suis dans la merde. Je vis comme une merde et je dois financer les comment me débrouiller de ma merde. Et le peuple, il vit comme ça. Le peuple, il est comme ça. Ça, c'est les impôts, le système des impôts. Maintenant, même si l'impôt servait à financer le système social, les banques se sont tellement démerdées pour appauvrir les pays qu'elles étaient obligées de payer des soi-disant dettes ou je sais pas quoi. Donc, l'argent que vous donnez en impôt, la somme, elle part dans les dettes. Si quelqu'un peut me dire c'est pas vrai, il peut venir, il peut chiffrer, l'argent part dans la dette. Maintenant, on a un problème avec cette dette. C'est là où on va venir un peu plus loin pour comment on est pris pour des cons. Parce que là, vous venez de comprendre, j'espère que vous avez compris, si quelqu'un n'a pas compris, il peut prendre le micro. Si tu me donnes, si tu m'enlèves mon pouvoir d'achat, je ne crée pas d'emploi dans mon village. Si tu m'enlèves mon pouvoir d'achat, je suis obligé d'aller consommer de la merde. Si je vais consommer de la merde, je tombe malade. Et plus je tombe malade, plus j'ai besoin de financer le système social de maladie. Plus je ne peux pas créer d'emplois dans mon village, et plus je financerai le système social de la NPE de compagnie. Moins j'ai de l'argent dans la poche, et plus le vivre ensemble déconne. C'est pas mathématique, hein. T'as pas besoin d'avoir fait bac plus 15 pour comprendre ça. Maintenant, on revient à cette dette. La France serait un pays endetté. Tout à l'heure, nous avons parlé des dictatures. Dans le sujet des dictatures, nous avons parlé du pillage de l'Afrique. On est d'accord ? En France, il y a un truc exceptionnel qui s'appelle le franc CFA. On vous a toujours dit que le franc CFA est protégé par l'euro. Moi, je vous dis que sans le franc CFA, la France tombe. Sans le franc CFA, l'euro tombe. C'est-à-dire que le franc CFA, non seulement soutient la France, mais soutient l'euro. Comment ? Comment ? Le franc CFA, c'est une monnaie française qu'on donne à 15 pays en Afrique. Ces 15 pays en Afrique travaillent, échangent leur argent, mais comme la seule banque qui peut gérer cette monnaie, c'est la Banque de France, l'argent revient en France. Donc vous avez à la Banque de France près de 30 000 milliards de francs CFA qui dorment, bloqués. Maintenant, on revient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la dette de la France? C'est quoi le chiffre de la dette de la France? 2 000 milliards. 2 000 milliards d'euros, c'est le chiffre de la dette de la France. 2 100 milliards d'euros. 12 milliards. Ok. Bon, 12 milliards, 2 000 milliards, mais bah, à ce qui paraît, c'est 2 000 milliards, mais je veux bien que ce soit 12 milliards. Et d'ailleurs, nous aussi, en concernant le franc CFA, on va baisser. Dans la Banque de France, il y a 30 000 milliards de francs CFA qui sont bloqués. C'est-à-dire qui appartient aux citoyens français. À la France, à l'État français. Ok? Puisque l'argent, le franc CFA, appartient à la France. Vous convertissez les 30 000 milliards de francs CFA en euros. Ça fait combien? Est-ce que la France est endettée? Non. Rien que le franc CFA qui dort à la Banque de France paye la dette. Vous pouvez payer 10 fois la dette de la France avec le franc CFA. Donc, on en arrive à un système où on dit au peuple français qu'il est pauvre, que c'est l'austérité, et qu'il doit donner la moitié de ses impôts à l'État. Pour payer un système social créé par ce manque d'argent. Plus tu es pauvre, plus tu crées de la misère, plus tu crées de la misère, plus tu as besoin de financer cette misère. Donc on nous prend des impôts pour nous rendre plus pauvres encore. En nous disant que c'est pour nous sauver. C'est intéressant. Il y a dans la Banque de France 30 000 milliards d'euros. Il y en a une autre partie assez générale, une autre partie à la BNP, il y en a au Vatican, il y en a en Suisse, il y en a au Canada, il y en a au... Enfin bref, l'argent est paché comme ça. Maintenant, les gens vont me dire, ouais, mais bon, cet argent, les milliards de francs CFA, c'est vrai que c'est là, mais bon, 30 000 milliards, c'est pas beaucoup. Ok. La riche. Attends, tu reviens, reste là, tu reviens tout à l'heure. Donc. Pour continuer, dans mon explication, j'en étais où? L'haricot, il m'a un peu chamboulé. Non, 30 000 milliards de francs CFA, et on était... Qui suit, là? Je sais, mais jusqu'à présent, je prends pas trop la parole, j'ai bien commencé, d'accord. Mais oui, c'est bien. Et qui veut intervenir, là? Bon, viens. Comme ça. Non, viens intervenir, comme ça me permet de récupérer le sens de mon truc. Pardon ? Parle, ça me permet. Dis ce que tu as à dire. C'est ce que j'ai à dire. Hein ? Non, je voulais ajouter quelque chose par rapport au franc CFA. Dis ce que tu as à dire. Y a notre frère qui parlait tout de suite du franc CFA. Le problème du franc CFA par rapport à l'Europe. C'est la faute de tous les Africains, nous aussi. Parce que le CFA par signification, ça veut dire comptoir français d'Afrique. Ça veut dire que l'Afrique n'a pas sa monnaie. Quand on prépare du riz, le gratin qui est en bas, c'est ça qui est CFA. Le bon, c'est ce qui est ici. Donc quand on n'en veut pas, on crée sa propre monnaie. Quand on parle de l'indépendance, c'est une liberté. Ici, par rapport à l'Afrique, d'une part, quand je vais dire que je ne vais pas les accuser, on va m'accuser. Pourquoi? Tu crées ta monnaie. Au Mali, il y avait le franc malien. Ça n'a pas, on ne parlait même pas de dévaluation. Aujourd'hui, la dévaluation n'est pas arrivée en Guinée. Parce que la Guinée a sa propre monnaie. Mais ceux qui ont gardé le CFA, les consommateurs même de CFA, il y en a qui ne savent pas ce que veut dire CFA. CFA, ça veut dire comptoir français d'Afrique. Donc c'est une réserve d'argent. Garde mon argent en attendant. En cas de difficulté, je récupère. Travaille avec mon argent. C'est une dette. C'est moi qui ai fabriqué. Tiens, débrouille-toi mon frère. Je te donne 10 000 euros. Tu travailles. Mais après, tu me rends les 10 000 euros sans intérêt. Et maintenant, j'arrive chez toi. Je vois des arbres qui me plaisent. Et toi, tu dis, chaque arbre coûte 10 000 euros. Ça veut dire que si je veux avoir les arbres qui sont chez toi, toi, je t'ai confié 10 000 euros. Tu as 10 arbres. J'aurai un arbre. Comme ça, tu gardes mes 10 000 euros. Et toi, tu auras 9 arbres. Et si je veux les avoir, il faut que je te donne maintenant 10 fois 9, c'est-à-dire 90 000 euros pour avoir tes arbres. Là, on est quitte. Mais, puisque c'est une réserve. Voyez-vous, on ne peut pas se plaindre. C'est-à-dire quelqu'un, tu dis à un ami, prête-moi 2 euros, demain je te donne à 15 heures, sans faute. À 15 heures, j'arrive. Tu dis, bon, j'ai eu des problèmes. Je ne me décourage pas. Demain, même chose, tu me rends. Après, qu'est-ce qui se passe? Prochainement, quand tu auras des problèmes, je ne vais plus te dépanner. Je vais dire, tu n'aimes pas payer les dettes. Ouais, le comptoir ne nous appartient pas. C'est ça le seul problème par rapport entre l'Europe et l'Afrique, quelques pays d'Afrique. Le CFA appartient ici. Ils ont dévalué leur propre argent qu'ils nous ont donné. Et si ça nous fait mal, on crée notre propre monnaie et comme ça, on ne parle plus de dévaluation. Et même, ils devaient encore dévaluer à nouveau. Ça est en cours, ce n'est pas encore arrivé. Je vous remercie. On le remercie, mais il n'y a qu'une heure de débat. Et donc, on ne peut pas... On peut pas revenir tout et on va essayer d'aller truc parce que vraiment. Tu voulais pas dire? Ouais, par rapport à la dette, moi je pense en fait que c'est une question de croyance. Je pense qu'il faut qu'on se libère de cette croyance. C'est quoi la dette? Pour moi, la dette, pour moi, c'est un chiffre, c'est un numéro, c'est une abstraction totale. Et quand on parlait tout à l'heure des dictatures, quand tu regardes les dictatures religieuses par exemple, comment ça fonctionne? Tu as trois éléments qui permettent de constituer la dictature. Tu as d'abord l'autorité suprême. Ça va être le Dieu suprême. Ça, c'est l'autorité suprême. Ensuite, tu as souvent un péché originel ou une faute qui a été commise et qui va impliquer une culpabilité des citoyens qui doivent se racheter. Et la dette, en allemand, ça veut dire quoi? En allemand, le mot dette et culpabilité, c'est le même mot. D'accord? Et donc, à partir de là, l'autorité dans les systèmes dictatoriaux légitimé par le Dieu Tout-Puissant, va dire, puisque vous avez une dette, donc toute votre vie, vous allez devoir vous racheter, hein, donc rembourser votre dette pour pouvoir accéder au paradis. Voilà. Et maintenant, dans les sociétés actuelles, on est sorti du religieux, dans les démocraties. Mais c'est le même système. Sauf que l'autorité suprême est devenue le marché a remplacé Dieu, et la dette concrète, chiffrée dont tu parles, a remplacé la dette, disons, religieuse qu'on avait par rapport à la culpabilité. Et donc, à partir de là, pour moi, la dette, c'est une illusion. C'est une pure illusion créée pour en fait légitimer le fait que les gens doivent se serrer la ceinture, etc. etc. Et ça ne s'arrête jamais. Mais ça n'est qu'un chiffre. Et d'ailleurs, pour terminer, c'est l'invisibilité. Parce que tu n'as pas parlé des paradis fiscaux. Parce que quand tu prends les paradis fiscaux, il y a un anonymat des titulaires des comptes. C'est-à-dire que ceux qui bénéficient de la dette sont invisibles, puisqu'ils sont anonymes. Et ça, c'est rendu possible par les paradis fiscaux. Donc, on est vraiment dans un système religieux, il faut bien le dire, dont il faut se libérer. Mon système de faire parler tout le monde pour faire le débat, c'est bien, mais on n'a qu'une heure. En une heure, il faut qu'on essaye d'arriver à la fin du sujet. C'est juste ça que j'allais dire. En fait, normalement, on est habitué à que l'intervenant, il intervienne 20 minutes tout seul et qu'on parle après. Mais du coup, comme Alonjo, il fait parler tout de suite tout le monde... Voilà, du coup, c'est ce que j'allais dire. Du coup, c'est lui aussi la parole. Mais en fait, il met son propos entre les interventions. Donc, ce que je voulais dire, je te donne la parole tout de suite. C'est que comme je reviens sur mon sujet, on parle des impôts, la dette. Comme il vient de nous dire notre ami, notre collègue, notre camarade, notre dévoué, on s'en bat les steaks de la dette. C'est du pipeau, c'est pas important. Comme vous avez bien entendu, la France, rien qu'avec le franc CFA, a les moyens de payer 10 fois sa dette. Ça veut dire que la dette de la France n'existe pas. c'est un chiffre qu'on vous martèle tous les jours dans la tête. Ça prend vos impôts, mais en vérité, ça n'existe pas. La France n'est pas endettée. Elle n'a jamais été endettée, d'ailleurs. C'est pour ça, ça sert à ça, le franc CFA. L'Allemagne fonctionne quelque chose comme ça. L'Angleterre fonctionne comme ça. L'Angleterre tient les bourses. L'Allemagne tient l'industrie. La France tient l'Afrique. Et c'est comme ça que le système, chacun son rôle. Donc, on revient. Je vous donne un exemple. Les Émirats arabes. Les Émirats arabes ont du pétrole. On est d'accord ? Ils sont riches, milliardaires. Du gaz. Ils sont riches, milliardaires. Bon, aussi, ils ont aussi les revenus de la Mecque. Bon, ça, c'est aussi riche et milliardaire. Maintenant, parlons de la Russie. Ils ont du gaz. Ils ont de la vodka, du caviar, une certaine industrie d'armement. Qui peut citer l'industrie et les revenus de la France ? Est-ce que quelqu'un peut venir ici et dire quels sont, parmi les pays les plus riches, nous avons pris les Émirats arabes, du pétrole et du gaz, et la Mecque. Nous avons cité les Russes, avec l'armement, avec le caviar, le gaz, qui peut nous dire l'industrie française, comment la France gagne son argent, s'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un ici peut nous dire comment la France gagne son argent ? Eh, c'est un micro ouvert. Est-ce que quelqu'un peut venir ici ? Eh, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut dire comment la France gagne son argent ? Tu peux. Ah, attends tout à l'heure. Bon, la France possède le pétrole d'Afrique. Tiens, du pétrole comme les Émirats arabes. La France possède le gaz d'Afrique. Ah tiens, comme les Russes et les Émirats arabes. Donc jusqu'à présent, kiff kiff. La France est aussi riche que les Émirats arabes ou que les Russes. Les Russes ont une industrie militaire. La France a une industrie militaire. Ok ? Maintenant, on va dépasser le stade. La France possède les bananes d'Afrique. En plus. Elle possède l'uranium d'Afrique. En plus. Elle possède le coltan d'Afrique en plus. Elle possède le cacao d'Afrique en plus. Elle possède le café d'Afrique en plus. Elle possède des dattiers, des manguiers. Elle possède l'eau que vous voyez en bouteille marquée eau des Vosges. En vérité, c'est eau du Kenya. Mais si on met eau des Vosges, lorsque vous avez des pneus Michelin, vous voyez les pneus Michelin, tout ça. Le caoutchouc, il vient d'où ? On est d'accord ? Saint-Gobain, tout ça là, ça vient d'où ? On est d'accord ? Bolloré, sa richesse, elle est où ? On est d'accord ? Donc, la France est multimilliardaire. Donc, plus que les Émirats arabes et plus que la Russie. Puisqu'elle possède plus de matières premières. On n'est pas mathématicien. On est d'accord ? Donc, un pays multimilliardaire dit au peuple de France, nos caisses sont vides. Nous ne pouvons pas nous en sortir. Vous devez payer des impôts. Il faut augmenter les impôts. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un comprend ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut expliquer la donne ? Oui, bonjour. Alors bon, moi je voulais intervenir tout à l'heure au début. J'ai laissé parler. Petite correction concernant la dette de la France. Donc la dette de la France, c'est 2136 milliards d'euros. Enfin, on a vérifié. Voilà. Moi, parce que le sujet initial, c'était l'impôt, et tu as fini par boucler ce que tu disais en parlant d'impôt. Derrière l'impôt, j'ai tendance à penser qu'il y a trois, en fait, points importants. Il y a premièrement le consentement à l'impôt. Oui. Il y a le consentement à l'impôt. Oui, mais moi, je... Ensuite, si vous voulez, il y a qu'est-ce qu'on fait avec l'impôt. Et un troisième point qui n'est pas, qui est rarement évoqué, enfin, qui paraît évident, c'est l'abus de pouvoir. Oui, parce qu'indirectement, quand des gens prélèvent beaucoup d'argent, enfin, ils peuvent facilement abuser du pouvoir. Je parlerai pas du franc CFA, je connais pas, n'attendez pas moi ça. Donc, ensuite, concernant, initialement, on prélève de l'impôt pourquoi ? On prélève de l'impôt, en fait, pour engager des grands chantiers. Enfin, je veux dire, c'est pas propre à la France, hein. C'est d'ailleurs pas propre à notre époque. Croire que l'impôt existe depuis 100 ans, c'est faux. Dans toutes les communautés, à un moment donné, on essaye de mutualiser certaines choses. L'impôt, c'est une forme de mutualisation, en fait, de certains biens. Voilà. Deuxièmement, la dette, etc. Encore une fois, je ne parle pas du fait que l'on puisse abuser du fait de prélever des dettes, enfin, et abuser de la dette, hein. Mais je parle du fait que la dette, c'est se dire que parce que la structuration du pays nous permet de garantir que demain on aura tant d'argent, cet argent-là, on peut le prendre maintenant pour justement aller encore plus vite et obtenir demain, aujourd'hui. Initialement, la dette, c'est ça. Initialement, quand vous vous endettez pour une maison, c'est parce que vous n'avez pas l'argent à l'heure, mais que vous l'aurez, mais que vous allez l'avoir dans 10 ans, 20 ans. Mais c'est plus intéressant pour vous d'avoir la maison maintenant. Voilà, ça c'est la dette. Donc encore une fois, tout est dans... Si vous voulez, c'est comme un téléphone portable. Je veux dire, on peut faire de la merde avec un téléphone portable. Le problème de la technologie, c'est plutôt ce qu'on en fait. Enfin, j'invente rien, je veux dire. Et la dette, c'est exactement la même chose. Alors, concernant le fait qu'on ait trop de dettes, qu'on n'ait pas de dettes, etc., j'ai tendance à dire qu'on est dans un système abusif où, à un moment donné, justement, effectivement, c'est quoi ? C'est 56% des impôts qui passent dans la dette, dans le remboursement de la dette ? Des intérêts, voilà, des intérêts de la dette. Bon, c'est... Non, mais c'est abusif parce que, théoriquement, n'importe quelle personne... Moi, je fais une comparaison. Il y a l'État, puis il y a nous, citoyens lambda. Et je pense qu'on peut faire des comparaisons utiles et qu'on peut plus se comprendre nous-mêmes que de comprendre l'État. L'État, c'est un truc complexe. Donc j'ai tendance à penser que quelqu'un qui est raisonnable, oui, il va s'endetter pour des gros trucs. Mais à un moment donné, il va essayer d'économiser de l'argent parce que ça lui coûtera moins cher d'acheter cash avec son argent. La dette coûte de toute façon cher. Donc ce que je veux dire, ce que je regrette dans le... Non, mais je m'exprime comme je peux et voilà. Ce que je regrette actuellement concernant la dette, oui, enfin qu'on en ait beaucoup, c'est une évidence. Mais surtout, ce que je regrette, c'est qu'on n'arrive pas à se désendetter. Et encore une fois, qu'aucun parti politique, aucun homme politique ne se dise non pas la dette c'est pas bien, etc., mais qu'on se dise plutôt il faut qu'on arrive à se financer par nous-mêmes justement pour diminuer les effets de la dette. Voilà, c'est tout. C'était un petit peu confus, je vous remercie beaucoup. Ce que je voulais dire, c'est que, en fait, il faut qu'on parte d'un point pour arriver à un point. Donc là, on en est à un point où j'ai posé une question, je me suis permis. En définissant les rentrées d'argent de la France, comment imaginons-nous une France pauvre ? Est-ce que, intellectuellement, vous pouvez imaginer une France pauvre et le besoin des impôts et de la dette et tout ça ? Ok. Bon, indirectement, il parlait de la richesse d'un pays. C'est vrai qu'une dette, il faut qu'on puisse la rembourser. Et donc, c'est lié à la richesse d'un pays. Alors, ça serait... c'est mon avis. Et mon avis de blanc, enfin, peut-être que je peux avoir un parti pris. Je peux le comprendre. Non, mais je veux dire... Mon avis est le suivant, et ça, ce n'est pas propre à la France ni aux Français, ce n'est pas propre encore une fois, à l'époque. J'ai tendance à penser que la richesse d'un pays, et ça c'est une évidence, c'est effectivement la capacité à laisser ses citoyens librement s'exprimer et construire un savoir. C'est une évidence. On est aussi riche parce qu'on est capable de penser une infinité de choses différentes. Non, mais si vous voulez, la richesse d'un pays, elle est fonction, bien sûr, de ses ressources naturelles, mais elle est également fonction de sa culture. Et encore une fois, elle est aussi fonction de quelque chose dont on ne parle pas, c'est que les citoyens soient heureux. Quand les citoyens sont divisés, ils n'avancent pas... Excuse-moi. Tu voulais dire quelque chose ? Là, on parle sincèrement financier, on parle de richesse financière. Moi, je vais venir par rapport aux impôts, surtout, parce que là, c'est le thème à la base. C'est l'arnaque des impôts, le thème, si je me trompe pas, si je sais lire encore. Il se passe que l'arnaque des impôts, elle est clairement faite, parce que, est-ce que tu connais, Malangio, le pourcentage qui est versé grâce à ces contribuables qui payent des impôts pour nous, demandeurs de RSA, ou même nous qui touchons le chômage ? C'est 25% de la population, ma gueule. Et non, c'est vrai, information directe. Excuse-moi pour ça. Derrière, en même temps, il faut savoir que derrière, il y a quand même 56% versé pour régler normalement la note de la France par rapport à ces guerres. Parce qu'il y a eu quand même deux guerres mondiales et ça a créé beaucoup d'argent. À ce temps-ci, comme on peut l'entendre, et je sais pas si tu as un enfant, moi on me l'a dit, ton enfant, il doit déjà une dette de 99 000 euros à sa naissance. Et c'est la vérité. C'est pratiquement 100 000 euros. C'est grave. Alors, les impôts des contribuables, ils passent où? Bah, ils passent pour l'Arabie Saoudite, pour son pétrole. Ils passent pour acheter des armes et les revendre dans d'autres pays, pour être tranquille. Ils passent aussi pour surmonter tout simplement le matériel spécial nucléaire atome dans le 20e arrondissement dans la caserne militaire boulevard, en descendant de la porte de Lila jusqu'à porte de Bagnolet. Ils parlent tout simplement, ils utilisent aussi une partie des impôts pour payer l'essence des véhicules, des pompiers, des forces de l'ordre et des ambulances qui sont 100% du gouvernement et qui sont payées par le gouvernement. Après, si tu veux encore en arriver là, tous les magasins, que ce soit Monsieur Carrefour, Monsieur ou Madame Auchan, ou Monsieur Monoprix ou n'importe qui, je vais te dire, ils payent aussi des impôts au niveau de leur local. Parce que c'est obligatoire, c'est autorisé. Même si la somme, on ne l'a pas. On ne l'a pas en tête, malheureusement. Mais c'est peut-être des milliers et des milliers d'euros. Alors derrière, au niveau des impôts que le contribuable y paye, à la fin du compte, qu'est-ce qui est utilisé? 25% pour les chômeurs et les demandeurs de RSA. Il se passe qu'il y a 5% donné grâce aux impôts pour les jeunes qui sont à la rue et qui ont entre 18 et 25 ans grâce à leur dossier civis, qui n'est pas grand-chose. Il y a aussi les assurances, parce que les assurances, il faut bien qu'ils se remboursent, suite au casse des vitrines, au vol ou n'importe quoi dans tous les magasins. Il y a aussi il y a plein de choses que les impôts du contribuable qui sont gérés par le gouvernement. Mais le gouvernement, il s'en met, et total, 25% dans la poche. Et c'est eux, tout simplement, qui viennent tout simplement sur la finance et qui envoient leurs 25% dans les pays comme la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, tous les pays qui acceptent et qui n'ont pas d'impôts. Alors, derrière, en même temps, il faut savoir qu'un chanteur comme Johnny Hallyday, comme plein d'autres, ne paye pas d'impôts parce qu'il n'a pas de compte en France. Alors, pourquoi en France, le contribuable qui est à la BNP Paribas, à la Société Générale, à la Banque Postale aussi, paye des impôts? Parce que tout simplement, ce n'est pas un paradis fiscal. C'est tout simplement des grandes personnes qui sont dans un paradis fiscal, qui organisent tout ça. Alors voilà. Merci. Attends, je vais te dire ça dans deux secondes. Pour revenir à ce qui avait été dit au départ par rapport aux classes moyennes, je pense que le problème des impôts, je vois plusieurs problèmes. D'abord, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les impôts, ils pèsent essentiellement sur les classes moyennes. Dans le sens où les gens, il y a des gens qui ne payent pas du tout d'impôts parce qu'ils sont trop pauvres. Et il y a des gens qui sont super riches, ils font de l'optimisation fiscale et ils vont dans les paradis fiscaux. Donc du coup, il n'y a que les classes moyennes, ceux qui travaillent, qui payent des impôts. Ça, je trouve que c'est injuste. Deuxièmement, le problème aussi, c'est que les charges sociales, la taxation du travail, on taxe le travail plutôt que de taxer le capital ou les machines. Ça, je trouve ça injuste. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec la modernisation de l'appareil de production, on devrait décharger un peu les salariés au niveau des charges et les transférer vers les machines. Tu vois ? Je pense que ça, ce serait juste, ce serait bien. Et puis pour terminer, l'autre problème, c'est l'idée du salaire maximum. C'est-à-dire que quand on dépasse un salaire, alors à ce moment-là, on sera imposé. Je trouve que aussi que cette idée, elle est bonne. Mais je rejoins tout à fait ce que tu as dit. L'idée de l'impôt comme mutualisation pour la société, je trouve ça tout à fait positif. Mais le problème de la dette, pour en revenir à la dette, c'est que aujourd'hui, les États ne peuvent plus faire eux-mêmes de la création monétaire. Ils doivent emprunter de l'argent à des banques privées. Et Napoléon disait, la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Donc le problème, c'est la liberté. Pour qu'un pays soit libre, il doit pouvoir créer lui-même sa propre monnaie et ne pas devoir quémander auprès d'instituts privés de l'argent. Je vais remercier parce que normalement l'heure du débat est terminée. Ils ont permis Éducation Debout à donner 10 minutes en plus. Et je vais essayer d'arriver au bout de là où je voulais aller. Et après, on peut continuer aussi. Ouais, je reviens. Attends, deux secondes. En fait, vous avez compris dans mon explication, si je me suis permis et j'étais assez. Que j'ai bien articulé, on paye des impôts. Enfin, disons, là, on paye des impôts, on n'a pas de quoi consommer, on bouffe de la merde, on est malade, et comme on est malade, les impôts servent à servir un système social. Mais d'accord ? Donc, on nous crée des cancers qu'on doit financer après avec nos impôts. Ça, c'est pour le système des impôts. Maintenant, au niveau monétaire, ce qui se passe, comme vient de le dire notre ami, les banques qui ne travaillent plus avec l'or impriment des billets quand ils en ont besoin. Tu as besoin de 10 millions, ok. Tiens, 10 millions. On est d'accord ? Maintenant, pour pouvoir assurer ce surplus d'argent et les délires qu'ils font, ils ont, grâce à la France, parce que c'était son rôle, et je sais que je rabâche, mais les gens, j'espère qu'ils vont vérifier. Le franc CFA sert à tenir en assise ce système. Comme le franc, bon, il n'existe plus, l'euro n'est plus soumis à l'index de l'or, il faut une sécurité. La sécurité de l'euro, c'est le franc CFA. Plus il y a de franc CFA dans les banques occidentales, et plus ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur argent. Banqueroute, crack, machin, s'en battent les steaks, le franc CFA arrive. On est d'accord ? Donc, plus les Africains travaillent, en fait, les Africains, quand ils demandent des francs CFA, imprimer du papier, c'est parce qu'ils ont des devises. C'est-à-dire qu'ils ont vendu tant de cacahuètes à la France, la France a été payée et met l'argent en devise. L'Africain, en fait, le système de francs CFA, l'Africain ne touche jamais d'argent. Quand l'Africain vend des denrées, c'est la France qui est payée et donne des devises en dollars, en tout ce que vous voulez, à l'Afrique. On est d'accord ? Quand la France, avec Chamaillard Clermont-Ferrand, imprime la monnaie et qu'elle donne 1 million, 2 millions de francs CFA à l'Afrique, elle vous retire dans les devises. Donc, c'est toujours comme ça. Donc, c'est un système propre. L'argent francs CFA est un argent propre. Et on se sert de cet argent propre qui est dans notre caisse pour financer notre merde. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Parce que j'emploie des mots qui sont les plus simples possibles pour que vous arriviez à comprendre. L'euro n'est plus indexé sur rien du tout. L'or, les talons or, c'est fini. Donc, c'est du papier qu'on imprime à gogo, à volonté. Mais pour financer et pour réguler cette monnaie, on utilise une monnaie qui nous appartient à nous, qui s'appelle le franc CFA, qui est un argent propre. Pourquoi ? Parce que les Africains, ils ne peuvent pas s'utiliser. Parce que dès que le franc CFA est imprimé, on le donne à l'Africain, mais on le récupère, il est dans la Banque de France. Et donc la Banque de France, qui a de l'argent propre à volonté, a une assise pour sécuriser l'euro. Voilà comment ça fonctionne. Donc, plus il y aura de franc CFA, plus l'euro sera tranquille. Ça, c'est pour l'euro. Donc le même système. Vous payez des impôts. Vous n'avez pas d'argent, vous êtes obligé d'aller à Leader Price. Vous avez mal au ventre. À l'hôpital, l'argent de vos impôts pour payer l'hôpital. Et d'accord ? Mais comme tu n'avais pas d'argent, tu es obligé d'aller au champ, à Carrefour, ton voisin, tu ne lui as pas donné d'argent. Ton voisin qui fabrique des bons t-shirts, tu peux pas parce que ça coûte trop cher, donc tu es obligé d'aller acheter des t-shirts à H&M. Donc ce système nous rend prisonniers de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas construire un vivre ensemble parce que nous n'avons pas les moyens. Comme nous n'avons pas les moyens, nous sommes soumis à des multinationales qui, elles, fabriquent de la merde qui nous rend malades et pour justifier les impôts qu'ils nous prennent. Mais ces impôts qu'ils nous prennent servent à payer des dettes. Et le franc CFA qui dort dans les banques, ou l'argent du pétrole, hein, puisque la TIPP, lorsque vous allez, pour ceux qui sont au RSA, c'est l'argent du pétrole qui paye le RSA. Ce n'est pas les impôts. Il faut commencer à être sérieux. Donc l'argent qu'on choue en Afrique permet à soutenir la vie sociale de l'Occident. Encore mieux. Moi, j'ai une super idée d'ONG. Je monte une ONG. comme l'Africain, le Français, pas, il ne le touche pas, il est en galère, il ne peut pas construire d'école, merde. Moi, j'ai une ONG et le FMI m'a dit, ok, c'est bon, toi, tu peux. Le FMI, comme le pays africain est dans la merde, donne de l'argent au pays africain à condition qu'il consomme Médecins du Monde ou je sais pas quoi, sa connerie. Donc, ça fait quoi pour l'Europe ? Création d'emplois. Ok ? Donc l'Europe, ils gagnent des emplois. Les mecs, ils vont au soleil travailler, ta ta ta ta ta ta. Mais ils travaillent dans un système mafieux. Qui dit système mafieux dit tirelire. Qui dit tirelire dit 6 millions, 6 000 euros dans ma poche. Et donc, ce système qui permet non seulement de dépouiller l'argent de l'aide à l'Afrique et qui l'oblige à travailler avec les ONG, empêche les Africains de se rebeller sur ce système de francs CFA qui les empêche de vivre. Et donc, c'est comme la France. Nous, on paye des impôts parce qu'on dit qu'on est malade et qu'on ne peut pas acheter les produits de merde. On tourne en rond comme ça. Les Africains, ils n'ont pas de francs CFA. Ça leur sert à rien. On leur donne des impôts au FMI. Le FMI donne aux ONG. Et nous, on a un hôpital. Donc, tous les peuples sont couillonnés et tous les peuples se tiennent par la queue. Donc, tout le système des impôts, c'est faire croire aux Français que la vie est dure et qu'ils s'entraident avec ça. Et la meilleure façon de s'entraider, c'est le communautarisme. Excusez-moi, je vais dire quelque chose de mauvais. La meilleure façon de s'entraider, c'est le communautarisme. Mais c'est pas un communautarisme de je suis un belle gueule, machin. Je suis dans un village, ok ? Ben moi, je fais des bons produits que je vais donner à un machin, qui lui va faire des bons produits, qu'un machin. Je vais faire vivre mon village. Les excédents de ce village, à partir de là, je vais les produire ailleurs. Mais tu es dans un village où on te dit, toi, tu vas faire du maïs, du blé. T'as faim. T'as pas de pommes. Et ben, à l'autre machin là-bas, il va te donner les pommes. Donc toi, tu vas travailler comme un con, je vais donner un petit salaire pour que tu achètes des pommes de là-bas. Et toi, lui, il va vendre son maïs là-bas, qui va te venir les pommes là-bas. L'excédent, il est où pour les deux ? Zéro. Ils sont tous les deux dans la merde. Tous les deux soumis à un système où ils ne comprennent rien. Donc, le communautarisme, c'est pas être raciste. C'est prendre soin de son village, prendre soin de son pays, prendre soin de sa région. Lorsque je prends soin de ma région, je suis en bonne santé, mes voisins sont en bonne santé, et l'excédent, on l'échange avec un autre là-bas, qui est aussi en bonne santé, mais qui a des mangues. Moi, j'ai trop de pommes de terre, je vais donner un peu de mangue, il va me donner des pommes de terre. Mais comme on nous fait croire que l'entraide, que le communautarisme, que se développer nous-mêmes, l'entrepreneuriat, c'est être un salaud d'être un entrepreneur, on nous oblige à être des salariés, on nous prend la moitié de notre salaire, on nous oblige à payer des impôts et on nous oblige à aller chez Carrefour et Auchan. Donc, que ce soit les impôts, que ce soit le monétaire, que ce soit la dette, et que ce soit le communautarisme, on nous prend pour des cons. Et je ne sais pas si j'étais assez clair, et j'aimerais que quelqu'un puisse revenir sur ce que je viens de dire, poser des questions, et essayer de me mettre à bout pour voir, parce que je peux dire des conneries. Et donc, en discutant, ça me permet de réfléchir aussi. Justement, pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, donc à savoir que même ici en Ile-de-France, même à Montreuil, et dans plusieurs localités, un petit peu partout dans le pays, genre Toulouse, Pau, donc il se met en place des systèmes de monnaie locale. C'est-à-dire, donc, les monnaies locales, donc c'est pour le développement de l'économie sociale et solidaire. Voilà, et seulement, bon, le truc, c'est que dans ces monnaies locales, c'est souvent des associations. Ouais. Là, le problème de la monnaie locale, elle est intéressante, mais là, c'est produire local pour être dépendant chacun des autres et de s'entraider aux autres. Donc, si ton développement, c'est de parler d'argent, mais aussi d'économie locale, c'est intéressant. Économie sociale et solidaire, les coopératives et voilà. Donc, favoriser justement, donc c'est d'une manière générale favoriser le développement des coopératives et dans notre législation, c'est-à-dire faciliter la transformation d'entreprises en SCOP, notamment en cas de, bon, je suis au front de gauche, donc un de nos points programmatiques pour la campagne de Jean-Luc Chanson à laquelle j'ai participé, avec laquelle je participerai. Bon, il y en a qui participent peut-être pour lui, mais si vous pouvez avoir un élément, c'est notamment en cas de licenciement boursier d'une entreprise, c'est-à-dire que la loi permette aux salariés la récupération de l'entreprise et qu'elle soit en scope. En revenant au sujet, j'ai développé pendant 10 minutes des propos. Moi, j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez. Est-ce que c'est n'importe quoi? Et où est-ce qu'il y a une erreur? Et qu'est-ce que vous pouvez rajouter là-dessus? Comme ça, on arrive à avancer et à aller dans une fin de... Ouais, moi, je voulais juste faire un commentaire. Tout à l'heure, il a été question de la richesse. Qu'est-ce qui fait la richesse d'un pays? Il a été dit, à un moment donné, ce qui fait la richesse d'un pays, c'est ses richesses naturelles. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense, comme Adam Smith, que ce qui fait la richesse d'un pays, c'est pas ce qu'il a sous terre, mais c'est le travail que fournit sa population. C'est la qualité du peuple et de son intelligence qui fait la richesse d'un pays. Tu prends par exemple le Japon. Le Japon, ils ont rien. Ils ont aucune richesse. Mais ce qui fait la richesse du Japon, c'est le peuple japonais. C'est leur culture. Tu vois ce que... Non, c'est juste pour tout à l'heure, il était question de dire tel pays est riche parce qu'il a sous terre des richesses. Moi, je trouve que c'est une illusion totale. Ce qui fait la, et par rapport à Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure, moi, ce que j'aimerais bien, Jean-Luc Mélenchon, apparemment, il proposait le salaire maximum. Je trouvais que c'était une super idée. Mais jusqu'ici, ce que je regrette vraiment, c'est qu'il n'en parle jamais. Là, il était invité dans plusieurs émissions. Il parle de plein de choses, mais cette idée phare qui est super géniale, il n'en parle pas. Donc si vous avez des relations, bah, dites-lui qu'il en parle. Et qu'il en parle comme Benoît Hamon parle du revenu universel. Qu'il en fasse un élément moteur et majeur de son programme. Bon, on dit que je parle beaucoup, et pourtant je suis celui qui laisse le plus la parole aux gens quand je fais mes trucs. Donc à un moment donné, j'aimerais que... on essaie d'avancer. Normalement, ça devait durer une heure. On est obligé de déborder parce que on n'arrive pas à finir et aller au bout du développement. En fait, le problème, c'est l'arnaque des impôts. J'ai lancé en disant, les impôts créent le chômage. Maintenant, on va arriver à un point où on va essayer de se comprendre. Je sais que tout le monde a plein d'idées, mais on suit un fil. À un moment donné, dans une conversation, on rebondit sur les paroles de l'autre et on avance. Si chacun vient dire ce que je pense, il y a trois jours, il y a machin, on ne s'en sortira pas. Ok, vous voyez, voilà, donc le vrai problème est là. Donc, on revient sincèrement, j'ai demandé à des gens, je ne sais pas si vous avez bien suivi ce que j'ai dit tout à l'heure, le problème de nous voler l'argent de notre travail, en nous faisant croire que c'est bon, alors que c'est ça qui nous rend malade. Plus on nous vole l'argent, plus on nous prend l'argent de notre travail, plus on sera malade, parce qu'on n'aura pas l'usufruit de cet argent. Ensuite, on a parlé du système monétaire et j'ai essayé d'expliquer que les Allemands ont l'industrie, l'électronique et plein de choses qui leur permet, et l'export qui leur permet de s'en sortir. L'Angleterre gère les finances mondiales. La City est la plus grosse plaque tournée des finances mondiales, donc tout va vers eux. La France gère l'Afrique. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Le rôle de la France, c'est de faire en sorte que l'argent de l'Afrique soutienne l'économie européenne. C'est son rôle. C'est ce qu'on a donné comme ordre à Général de Gaulle lorsqu'il a été mis au pouvoir. Virer les communistes et gérer ce truc. Et chacun fait la part des choses. Donc, on en est arrivé à... On impose un système qui ruine des peuples, mais qui permet aux autres de faire ce qu'ils veulent avec leur monnaie. Donc c'est là, j'aimerais vraiment, pour voir si les gens ont compris, qu'ils développent, parce qu'on ne peut pas rester là 5 heures, est-ce que vous avez vraiment compris le sens de cette chose? Les Africains travaillent pour soutenir l'économie européenne. C'est très important. C'est-à-dire que l'euro n'est indexé sur rien. Mais c'est la monnaie africaine bloquée dans les banques occidentales qui permet à l'occidental de dire « T'inquiète, je peux avoir autant de dettes que je veux. Moi, j'ai de quoi rembourser. » Le système, il est là. Donc, tout à l'heure, j'avais fait un développement que personne n'a suivi. Je vous expliquais comment la France était plus riche que la Russie et plus riche que les Émirats arabes. La France possède, comme les Émirats arabes, le pétrole en Afrique. Comme les Émirats arabes, le gaz en Afrique. Comme les Émirats arabes de religion, puisque les Émirats arabes prennent l'argent de la Mecque. Et la France a aussi l'argent du Christ de l'Église. Je sais, mais c'est pas ma faute. Vous avez essayé. Bon. On est d'accord. Donc, lorsque vous rajoutez ça, la France est égale des Émirats arabes et égale de la Russie. Parce que pour la Russie, vous rajoutez l'armement. La Russie a l'armement, la France a l'armement. Mais la Russie n'a pas l'ananas de la Côte d'Ivoire. La Russie n'a pas les bananes de machin. La Russie n'a pas l'uranium du Niger ou du Mali ou du Gabon, là où la France est partie tuer, là. Virer Ali Bongo. Pourquoi la France veut virer Ali Bongo? Parce qu'Ali Bongo, il a dit maintenant stop, ça suffit. Et là, comme par hasard, le mec qui était leur pote devient dictateur. Et on veut mettre un autre mec à sa place. Et on fait les Gabonais s'entretuer pour savoir si l'autre va rester là. Et on le traite de dictateur. Alors que pendant 40 ans, on a pris l'argent du père. Maintenant, le fils dit, c'est bon, on arrête. Oh, dictateur, faut qu'on te retire. Donc la France possède 35 pays en Afrique en richesse. Et on nous dit en France, que l'État français est pauvre et que vous devez soutenir l'État français en donnant la moitié de votre salaire et que tous les mois ça augmente, tous les ans ça augmente parce que tellement on est dans la galère. Et il y a toujours un économiste à la con qui vous sort. On a parlé de Mélenchon tout à l'heure. Mélenchon est passé dans une émission, il a donné 10 propositions. On lui a demandé, quand vous serez président, quelles sont les 10 choses que vous allez faire? Il a dit ça. La première chose, la France-Afrique, il n'en a pas parlé. La deuxième chose, le mensonge des impôts, il n'en a pas parlé. Donc les deux choses les plus importantes qui détruisent la France, qui détruisent l'Afrique, il n'en a pas parlé. Donc moi, j'aimerais savoir ce que vous en pensez de ce que je viens de dire, qu'est-ce qui est cohérent et qu'est-ce que vous pouvez contredire dans ce que je viens de dire pour qu'on avance et qu'on termine ce sujet. Ce que je sais, c'est qu'on sera toujours esclave de l'État. Oui, donc tout à l'heure, vous parliez, enfin on a parlé de l'industrie de la guerre. La dire comme ça, c'est dire qu'elle est méchante. Derrière la guerre, en fait, il y a de la recherche. Et donc je suis entièrement d'accord avec vous. L'un des points de richesse d'un pays, c'est effectivement sa recherche. Voilà. Mais la recherche, c'est aussi la culture et la politique, le fait que le pays soit ouvert et permette aux citoyens de penser librement. Bref, ça c'était un premier point. Alors, je vais pas rebondir complètement. Moi j'avais tout à l'heure deux choses à dire. Un monsieur a précisé, les politiciens sont tous des salopards, etc. Ils gagnent beaucoup d'argent, etc. sur notre dos. En fait, il faut savoir quand même que s'ils gagnent de l'argent, on a estimé en France qu'il valait mieux quand même qu'ils soient payés à peu près correctement. Pourquoi? Parce que si on les paye strictement au minimum, il y a un pourcentage bien plus élevé pour qu'ils soient corrompus. Voilà, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que moi, il y a quoi? Quelques mois, je suis allé à la poste, il y avait une queue assez grande, et au bout d'une demi-heure d'attente, j'ai constaté que les gens dans la queue commençaient à s'engueuler parce qu'ils voulaient prendre, ils voulaient être au guichet les premiers. Et je me suis rendu compte indirectement que, est-ce que les gens étaient cons ou pas, enfin idiots ou pas? Pas forcément. Je me suis rendu compte avant tout que lorsqu'un système ne marche pas bien, il induit le fait que les citoyens eux-mêmes s'engueulent, se font la guerre. Voilà. Donc j'en viens, ça, je parle de ça parce que si on fait une analogie avec la structure étatique de la France, dans ce cas-là, j'aurais tendance à penser que le problème, encore une fois, le problème ce ne sont pas forcément les gens, ce sont ce qu'ils font du pouvoir qu'on leur donne. Et voilà, et j'ai tendance à penser que l'une des pistes pour changer les choses, sans se dire de droite ou de gauche, parce que c'est pas, ce que je vais dire n'est pas fonction de, c'est pas une idéologie, c'est que pour justement diminuer le taux de corruption chez les politiciens et le fait qu'ils utilisent mal l'argent, parce que une personne peut utiliser mal l'argent sans pour autant être corrompu, faut le comprendre. J'ai tendance à dire dans ce cas-là que la première des richesses d'un pays, c'est les données. Voilà. Et indirectement, peut-être que tu seras d'accord avec moi, je pense que si on avait un œil sur les données d'un pays, combien l'impôt à tel endroit, etc., comment c'est utilisé. Dans ce cas-là, en fait, c'est comme si on nous donnait le pouvoir. Parce qu'avoir un droit de regard sur ce qui se passe, c'est à directement savoir. Et donc, en sachant, je pense qu'on a le pouvoir. Merci. Savoir, c'est aussi écouter. On vient de faire une heure de discussion, j'ai l'impression que personne n'a écouté. Parce que revenir sur savoir est-ce que les impôts, c'est patatiba, c'est de la... on n'en a rien à cirer des impôts. C'est de l'arnaque, c'est du pipi de chien. La France est un pays de milliardaires. Chez Kadhafi, les gens ne travaillaient pas. Il y a un problème, c'est-à-dire que normalement, en France, les citoyens français devraient tous avoir minimum 1000 euros dans leur poche. On vole tellement d'argent en France, en Afrique et ailleurs, que chaque citoyen français devrait avoir 1000 euros dans la poche. Donc la problématique, c'est pas de rester sur ce problème des impôts. En vérité, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est de comprendre, de faire avancer. Les impôts, c'est le débat, là. C'est le débat, c'est le sujet du débat. Donc, ok. Je peux finir. Okay. Donc, les impôts, c'est le débat, mais j'ai quand même voulu monter ce sujet pour aller vers quelque chose. Donc, si je ne suis pas à même d'aller vers cette chose, c'est que je suis un bouffon. Tu me considères comme un imbécile. Donc, merci. Donc, oui, mais écoute l'autre, parce que je pense, mais tu n'as rien écouté de ce que je viens de dire. Non, mais si tu écoutes de A à Z, tu comprendras que, par exemple, tu m'as parlé d'ingénieur et de science. Est-ce que tu remarqueras que la science qu'on nous fait aujourd'hui, c'est de la merde? Si ta science aujourd'hui, c'est d'avoir la meilleure BMW qui roule avec la meilleure essence la plus propre, c'est que tu n'as pas compris qu'aujourd'hui, on pourrait rouler avec des voitures qui décollent de l'eau, avec de l'énergie gratuite. C'est-à-dire que la science aujourd'hui, elle est truquée. Ouais, mais... C'est bon, excusez-moi. Juste pour vous dire, ce sujet des impôts de l'arnaque, pourquoi je vous ai parlé des impôts, du franc CFA, de la monnaie et de la maladie et de ceci, cela, c'est juste pour vous dire, les amis, et j'avais un troisième sujet que je voulais vous parler, c'était rajouter, mais là c'est vraiment trop court pour parler du... En fait, avec le troisième sujet, vous auriez compris les deux premiers sujets qu'on vient de faire, mais on n'a pas le temps, et je dois rendre le micro. Les amis, nous sommes pris pour des cons de notre orteil jusqu'à notre cerveau. On nous ment tous les jours. On nous ment tous les jours. Si vous comprenez qu'on vous ment tous les jours, je vous promets que de vous-même, vous n'aurez plus voté, personne n'ira voter. Lorsqu'on dit que les politiciens, faut les payer bien, pas les payer bien, c'est un faux débat. C'est un faux débat, ça n'intéresse personne. C'est la culture et la pensée du pays, du peuple. Comment le peuple pense, comment il est éduqué. Où il va? Il y a des gens qui sont religieux. Ok. Mais à quoi ça vous sert la religion? La religion, c'est la politique économique, sociale et militaire d'un peuple. C'est-à-dire, ta religion doit mener ton peuple à être soudé d'une manière culturelle, économique, sociale et militaire. C'est-à-dire, soit tu as la religion propre, intrinsèque pour le peuple, et pas une religion qui vient d'ailleurs. Genre les Africains, Jésus, mais tu lis la Bible, il n'y a rien qui parle de Jésus dans la Bible, dans l'Afrique. Moi, tu peux tourner les 1000 pages de la Bible, ça ne parle jamais de l'Afrique. Le Coran, c'est pareil. Donc, et c'est pour ça que la Chine, c'est là où je voulais venir à la fin, la force de la Chine et de l'Inde, c'est ce qu'ils ont créé une religion sur leur culture, sur leurs assises, sur leur nourriture, sur leur danse, sur leur système monétaire, sur leur système de vivre en peuple. Et ce système leur permet d'être soudés. Il y a 3 500 000 soldats en Chine. Personne ne peut aller envahir la Chine. On est d'accord? Parce qu'ils sont soudés en peuple. Leur politique économique et sociale leur appartient. Nous en Afrique, qu'on ait le Coran, qu'on ait la Bible, on n'a aucune fierté. Ça ne parle ni de notre nourriture, ni de la tchéké, ni du mbala, ni du zoblazo, ni de... Ça parle de rien. Et donc, je vais terminer parce que j'ai pas eu le temps de comprendre. Il faut que nous, le peuple, on réapprenne à être le peuple. En Afrique, il faut que le Tunisien soit le meilleur ami du Congolais. En France, il faut qu'on arrête d'aller pourrir la vie du Front National parce que le Front de Gauche est meilleur. Il faut qu'on apprenne à devenir un peuple qui, chacun en nous, travaillons les uns pour les autres. Lorsqu'on parle d'argent, c'est est-ce que dans mon village j'ai des carottes? Est-ce que dans mon village j'ai des tomates? Est-ce que je peux vendre mes tomates à l'autre qui va vendre ses tomates, qui est ses carottes? Est-ce qu'en Afrique, ils mettent du café partout? Café, café, café, café, café, café, café, café. Qui est-ce qui mange du café? Qui est-ce qui mange du café? Donc, le problème, il est là. Donc là, on va arrêter ce soir parce que je dois rendre le micro. Ce sujet des impôts et de l'arnaque des impôts doit prendre beaucoup, beaucoup plus de temps. Mais nous sommes des peuples tous manipulés de A à Z. Et donc ça, il faut qu'on en ait conscience. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent parler de savoir si la science est bonne, si on doit ceci est bon, si on doit payer ou pas payer des impôts, si c'est un faux débat, c'est un faux problème. On est pris pour des cons à la base. Et donc il faut réapprendre à récupérer nos cerveaux, réapprendre à s'aimer, réapprendre à vivre ensemble. Il faut que les Africains réapprennent à être Africains. Pas Algérie, Algérie, Algérie, Maroc, Maroc, ça veut rien dire. Afrique. Et les Européens, pareil. Plus vous vous battez contre le Front National, plus vous vous battez contre l'UMP, plus vous vous battez contre je sais pas quoi, moins vous travaillez ensemble. Et ça, c'est le gros problème que les oligarchies nous ont mis sur la gueule. Et le système des impôts, toi tu payes pas d'impôts, ils vont dire c'est ta faute, à cause de toi, le chômeur a pas d'... Arrête tes conneries. C'est toi qui payes des impôts et qui rend les gens malades. Parce que l'impôt que tu as donné au système, tu l'as enlevé au peuple pour le faire circuler et s'entraider. L'impôt, l'argent du peuple que tu donnes en impôt, le peuple l'a plus pour vivre ensemble. Et ça, c'est la grosse truanderie de l'impôt. C'est la grosse mafia de l'impôt. Merci, excusez-moi de vous avoir dérangé. Merci Malanjo pour ton intervention. Voilà, bah on a fini la journée d'éducation populaire. Merci beaucoup d'être venu. Je crois qu'il y a eu plein de choses de très sympathiques cet après-midi. Nous sommes là demain de 15h à 19h avec de nouvelles interventions très riches et variées sur plein de sujets, assemblée constituante, plein de choses. Donc bah écoutez, on vous souhaite une bonne soirée. Merci encore d'être venu. Puis n'hésitez pas, on est sur... sur internet, sur Facebook, tous ces machins d'outils de communication. Merci, bonne soirée à vous. Et à très très bientôt sur la place. Merci beaucoup.